Chapitre 8e. Les barricades. Le lendemain de la fête, c'est-à-dire le 26 d'août 1648, le roi alla au Tédéum. L'on borda, selon la coutume, depuis le palais royal jusqu'à Notre-Dame, toutes les rues de soldats du régiment des gardes. Aussitôt que le roi fut revenu au palais royal, l'on forma de tous ses soldats 3 bataillons qui demeurèrent sur le pont Neuf et dans la place Dauphine. Comminges, lieutenant des gardes de la reine, enleva dans un carrosse fermé le bonhomme Broussel, conseiller de la grande chambre, et il le mena à Saint-Germain. Blanc-Mesnil, président aux enquêtes, fut pris en même temps aussi chez lui et il fut conduit au bois de Vincennes. Vous vous étonnerez du choix de ce dernier, et si vous aviez connu le bonhomme Broussel, vous ne seriez pas moins surprise du sien. Je vous expliquerai ce détail en temps et lieu, mais je ne vous puis exprimer la consternation qui parut dans Paris le premier quart d'heure de l'enlèvement de Broussel et le mouvement qui se fit dès le second. La tristesse, ou plutôt l'abattement, saisit jusqu'aux enfants. L'on se regardait et l'on ne se disait rien. L'on éclata tout d'un coup. L'on s'émut, l'on courut, l'on cria, l'on ferma les boutiques. J'en fus averti, et quoique je ne fusse pas insensible à la manière dont j'avais été joué la veille au palais royal, où l'on m'avait même prié de faire savoir à ceux qui étaient de mes amis dans le Parlement que la bataille de Lens n'y avait causé que des mouvements de modération et de douceur. Quoique, dis-je, fusse très piqué, je ne laissais pas de prendre le parti, sans balancer, d'aller trouver la reine et de m'attacher à mon devoir préférablement à toute chose. Je le dis en ses propres termes à Chapelain, à Gomberville et à Plotte, chanoine de Notre-Dame et présentement chartreux, qui avait dîné chez moi. Je sortis en Rochet et Camaille, et je ne fus pas au marché neuf que je fus accablé d'une foule de peuples qui hurlaient plutôt qu'ils ne criaient. Je m'en démêlais en leur disant que la reine leur ferait justice. Je trouvai sur le pont Neuf le maréchal de la Meilleraie à la tête des gardes, qui, bien qu'il n'eût encore en tête que quelques enfants qui disaient des injures et qui jetaient des pierres aux soldats, ne laissait pas d'être fort embarrassé, parce qu'il voyait que le nuage commençait à grossir de tous côtés. Il fut très aise de me voir et m'exhorta à dire à la reine la vérité. Il s'offrit d'en venir lui-même rendre témoignage. J'en fus très aise à mon tour et nous allâmes ensemble au palais royal, suivis d'un nombre infini de peuples qui criaient « Broussel, Broussel !» Nous trouvâmes la reine dans le grand cabinet, accompagnée de monsieur le duc d'Orléans, du cardinal Mazarin, de monsieur le duc de Longueville, du maréchal de Villeroy, de l'abbé de la Rivière, de Beautru, de Guitant, capitaine de ses gardes, et de Nogent. Elle me reçut ni bien ni mal. Elle était trop fière et trop aigre pour avoir de la honte de ce qu'elle avait dit la veille, et le cardinal n'était pas assez honnête homme pour en avoir de la bonne. Il me parut toutefois un peu embarrassé, et il me fit une espèce de galimatia par lequel, sans me l'oser toutefois dire, il eût été bien aise que j'eusse conçu qu'il y avait eu des raisons toutes nouvelles qui avaient obligé la reine à se porter à la résolution que l'on avait prise. Je feignis que je prenais pour bon tout ce qu'il lui plut de me dire, et je lui répondis simplement que j'étais venu là pour me rendre à mon devoir, pour recevoir les commandements de la reine et pour contribuer de tout ce qui serait en mon pouvoir au repos et à la tranquillité. La reine me fit un petit signe de la tête comme pour me remercier, mais je sus depuis qu'elle avait remarqué, et remarqué en mal, cette dernière parole qui était pourtant très innocente et même fort dans l'ordre en la bouche d'un coadjuteur de Paris. Mais il est vrai de dire qu'auprès des princes, il est aussi dangereux et presque criminel de pouvoir le bien que de vouloir le mal. Le maréchal de la Meilleraie, qui vit que la Rivière, Beautru et Nogent traitaient l'émotion de bagatelle et qu'il la tournait même en ridicule, s'emporta. Il parla avec force et s'en rapporta à mon témoignage. Je le rendis avec liberté et je confirmai ce qu'il avait dit et prédit du mouvement. Le cardinal sourit malignement et la reine se mit en colère en proférant de son fausse aigre et élevé ses propres mots. Il y a de la révolte à s'imaginer que l'on se puisse révolter. Voilà les contes ridicules de ceux qui la veulent. L'autorité du roi y donnera bon ordre. Le cardinal, qui s'aperçut à mon visage que j'étais un peu ému de ce discours, prit la parole, et avec un ton doux, il répondit à la reine « Plût à Dieu, madame, que tout le monde parla avec la même sincérité que monsieur le coadjuteur. Il craint pour son troupeau, il craint pour la ville, il craint pour l'autorité de votre majesté. » Je suis persuadé que le péril n'est pas au point qu'il se l'imagine, mais le scrupule sur cette matière est en lui une religion louable. » La reine, qui entendait le jargon du cardinal, se remit tout d'un coup. Elle me fit des honnêtetés et je répondis par un profond respect et une mine si niaise que la rivière dit à l'oreille de Bautru, de qui je le sus 4 jours après, « Voyez ce que c'est que de n'être pas jour et nuit en ce pays-ci. Le coadjuteur est homme du monde. Il a de l'esprit. Il prend pour bon ce que la reine lui vient de dire. La vérité est que tout ce qui était dans ce cabinet jouait la comédie. Je faisais l'innocent et je ne l'étais pas, au moins en ce fait. Le cardinal faisait l'assuré et il ne l'était pas si fort qu'il le paraissait. Il y eut quelques moments où la reine contrefit la douce et elle ne fut jamais plus aigre. Monsieur de Longueville témoignait de la tristesse et il était dans une joie sensible parce que c'était l'homme du monde qui aimait le mieux les commencements de toutes affaires. Monsieur le duc d'Orléans faisait l'empressé et le passionné en parlant à la reine et je ne l'ai jamais vu siffler avec tant d'indolence qu'il siffla une demi-heure en entretenant Guerchy dans la petite chambre grise. Le maréchal Villeroy faisait le guet pour faire sa cour au ministre et il m'avouait en particulier, les larmes aux yeux, que l'État était sur le bord du précipice. Bautru et Nogent bouffonnaient et représentaient, pour plaire à la reine, la nourrice du vieux Broussel, remarquez, je vous prie, qu'il avait 80 ans, qui animait le peuple à la sédition, quoiqu'ils connussent très bien l'un et l'autre que la tragédie ne serait peut-être pas fort éloignée de la farce. Le seul et unique abbé de la rivière était convaincu que l'émotion du peuple n'était qu'une fumée. Il le soutenait à la reine, qu'il eût voulu croire, quand même elle eût été persuadée du contraire. Et je remarquai dans un même instant, et par la disposition de la reine, qui était la personne du monde la plus hardie, et par celle de la rivière, qui était le poltron le plus signalé de son siècle, que l'aveugle témérité ou la peur outrée produisent les mêmes effets lorsque le péril n'est pas connu. La discussion continue, la reine est d'une violence inouïe, mais l'heure avance, et il faut prendre une résolution. Nous éprouvâmes en se rencontre qu'il est bien plus naturel à la peur de consulter que de décider. Le cardinal, après une douzaine de galimatias qui se contredisaient les uns les autres, conclut à se donner encore du temps jusqu'au lendemain et de faire connaître, en attendant au peuple, que la reine lui accordait la liberté de Broussel, pourvu qu'il se séparât et ne continua pas à la demander en foule. Le cardinal ajouta que personne ne pouvait plus agréablement, ni plus efficacement que moi, porter cette parole. Je vis le piège, mais je ne m'en pus défendre, et d'autant moins que le maréchal de la Meilleraie, qui n'avait point de vue, y donna même avec impétuosité et m'y entraîna, pour ainsi parler, avec lui. Il dit à la reine qu'il sortirait avec moi dans les rues et que nous y ferions des merveilles. « Je n'en doute point, lui répondis-je, pourvu qu'il plaise à la reine de nous faire expédier en bonne forme la promesse de la liberté des prisonniers, car je n'ai pas assez de crédit parmi le peuple pour m'en faire croire sans cela. L'on me loua de ma modération. Le maréchal ne douta de rien. La parole de la reine valait mieux que tous les écrits. En un mot, l'on se moqua de moi et je me trouvais tout d'un coup dans la cruelle nécessité de jouer le plus méchant personnage où peut-être jamais particulier se soit rencontré. Je voulus répliquer, mais la reine entra brusquement dans sa chambre grise. Monsieur me poussa, mais tendrement, avec ses deux mains, en me disant « Rendez le repos à l'État ». Le maréchal m'entraîna, et tous les gardes du corps me portaient amoureusement sur leurs bras en me criant « Il n'y a que vous qui puissiez remédier au mal ». Je sortis ainsi avec mon rocher et mon camail, en donnant des bénédictions à droite et à gauche, et vous croyez bien que cette occupation ne m'empêchait pas de faire toutes les réflexions convenables à l'embarras dans lequel je me trouvais. Je pris toutefois, sans balancer, le parti d'aller purement à mon devoir, de prêcher l'obéissance et de faire mes efforts pour apaiser le tumulte. La seule mesure que je me résolus de garder fut celle de ne rien promettre en mon nom au peuple et de lui dire simplement que la reine m'avait assuré qu'elle rendrait Broussel pourvu que l'on fît cesser l'émotion. L'impétuosité du maréchal de la Meilleraie ne me laissa pas lieu de mesurer mes expressions, car au lieu de venir avec moi, comme il m'avait dit, il se mit à la tête des chevaux légers de la garde, et il s'avança l'épée à la main, en criant de toute sa force « Vive le roi! Liberté à Broussel !» Comme il était vu de beaucoup plus de gens qu'il y en avait qui l'entendissent, il échauffa beaucoup plus de monde par son épée qu'il n'en apaisa par sa voix. On cria aux armes. Un crocheteur mit le sabre à la main vis-à-vis des 15-20. Le maréchal le tua d'un coup de pistolet. Les cris redoublèrent, on courut de tous côtés aux armes. Une foule de peuple, qui m'avait suivi depuis le palais royal, me porta plutôt qu'elle ne me poussa jusqu'à la croix du tiroir, et j'y trouvai le maréchal de la Meilleraie aux mains, avec une foule de bourgeois qui avaient pris les armes dans la rue de l'Arbre sec. Je me jetai dans la foule pour essayer de les séparer, et je crus que les uns et les autres porteraient au moins quelque respect à mon habit et à ma dignité. Je ne me trompais pas absolument, car le maréchal, qui était fort embarrassé, prit avec joie ce prétexte pour commander au chevau léger de ne plus tirer. Les bourgeois s'arrêtèrent et se contentèrent de tenir ferme dans le carrefour. Mais il y eut 20 ou 30 qui sortirent avec des hallebardes et avec des mousquetons de la rue des Prouvelles, qui ne furent pas si modérés et qui, ne me voyant pas ou ne voulant pas voir, firent une décharge fort brusque sur les chevaux légers, cassèrent d'un coup de pistolet le bras à Fontrailles, qui était auprès du maréchal l'épée à la main, blessèrent un de mes pages qui portait le bas de ma soutane, et me donnèrent à moi-même un coup de pierre au-dessous de l'oreille, qui me porta par terre. Je ne fus pas plutôt relevé qu'un bourgeois m'appuyant un mousqueton sur la tête. Quoique je ne le connusse point du tout, je crus qu'il était bon de ne lui pas témoigner dans ce moment. Et je lui dis au contraire « Ah, malheureux, si ton père te voyait !» Il s'imagina que j'étais le meilleur ami de son père, que je n'avais pourtant jamais vu. Je crois que cette pensée lui donna celle de me regarder plus attentivement. Mon habit lui frappa les yeux. Il me demanda si j'étais monsieur le coadjuteur. Tout le monde fit le même cri. L'on courut à moi, et le maréchal de la Meilleraie se retira avec plus de liberté au palais royal, parce que j'affectais, pour lui en donner le temps, de marcher du côté des halles. Tout le monde m'y suivit, et j'en eus besoin, car je trouvais une fourmilière de fripiers tout en armes. Je les flattais, je les caressais, je les conjurais, je les menaçais, enfin je les persuadais. Ils quittèrent les armes, ce qui fut le salut de Paris, parce que s'ils les eussent encore eus à la main à l'entrée de la nuit qui s'approchait, la ville eût été infailliblement pillée. Je n'ai guère eu en ma vie de satisfaction plus sensible que celle-là, et elle fut si grande que je ne fis pas seulement de réflexion sur l'effet que le service que je venais de rendre devait produire au palais royal. Je dis « devait », car vous allez voir qu'il y en produisit un tout contraire. J'y allais avec 30 ou 40 000 hommes qui m'y suivirent, mais sans armes, et je trouvai à la barrière le maréchal de la Meilleraie, qui, transporté de la manière dont j'en avais usé à son égard, m'embrassa presque jusqu'à m'étouffer, et il me dit ses propres paroles « Je suis un fou et un brutal. J'ai failli à perdre l'état, et vous l'avez sauvé. Venez, parlons à la reine en véritable français et en gens de bien, et prenons des dates pour faire pendre à notre témoignage à la majorité du roi ces pestes d'état, ces flatteurs infâmes qui font à croire à la reine que cette affaire n'est rien. » Il fit une apostrophe aux officiers des gardes en achevant cette dernière parole, la plus touchante, la plus pathétique et la plus éloquente qui soit peut-être jamais sortie de la bouche d'un homme de guerre. Et il me porta plutôt qu'il ne me mena chez la reine. Il lui dit en entrant et en me montrant de la main « Voilà celui, madame, à qui je dois la vie, mais à qui votre majesté doit le salut de sa garde et peut-être celui du palais royal. » La reine se mit à sourire, mais d'une sorte de sourire ambigu. J'y pris garde, mais je n'en fis pas semblant, et pour empêcher monsieur le maréchal de la Meilleraie de continuer mon éloge, je pris la parole. « Non, madame, il ne s'agit pas de moi, mais de Paris, soumis et désarmé, qui se vient jeter aux pieds de votre majesté. » « Il est bien coupable et peu soumis, » repartit la reine avec un visage plein de feu. « S'il était aussi furieux que l'on a voulu me le faire croire, comment se serait-il pu radoucir en si peu de temps ?» Le maréchal, qui remarqua aussi bien que moi le ton de la reine, se mit en colère et lui dit en jurant « Madame, un homme de bien ne peut vous flatter en l'extrémité où sont les choses. Si vous ne mettez pas aujourd'hui Broussel en liberté, il n'y aura pas demain pierre sur pierre dans Paris. » Je voulus prendre la parole pour appuyer ce que disait le maréchal. La reine me la ferma, en me disant d'un air de moquerie « Allez vous reposer, monsieur, vous avez bien travaillé. » Je sortis ainsi du palais royal, et quoique je fusse ce que l'on appelle enragé, je ne dis pas un mot de là jusqu'à mon logis qui put aigrir le peuple. J'en trouvai une foule innombrable qui m'attendait et qui me força de monter sur l'impérial de mon carrosse pour lui rendre compte de ce que j'avais fait au palais royal. Je lui dis que j'avais témoigné à la reine l'obéissance que l'on avait rendue à sa volonté en posant les armes dans les lieux où on les avait prises et en ne les prenant point dans ceux où on était sur le point de les prendre. Que la reine m'avait fait paraître de la satisfaction de cette soumission et qu'elle m'avait dit que c'était l'unique voie par laquelle on pouvait obtenir d'elle la liberté des prisonniers. J'ajoutai tout ce que je crus pouvoir adoucir cette commune, et je n'y eus pas beaucoup de peine, parce que l'heure du souper s'approchait. Cette circonstance vous paraîtra ridicule, mais elle est fondée, et j'ai observé qu'à Paris, dans les émotions populaires, les plus échauffés ne veulent pas ce qu'ils appellent se désœurer. Je me fis saigner en arrivant chez moi, car la contusion que j'avais eue au-dessous de l'oreille était fort augmentée. Mais vous croyez bien que ce n'était pas là mon plus grand mal. J'avais fort hasardé mon crédit dans le peuple, en lui donnant des espérances de la liberté de Bruxelles, quoique j'eusse observé fort soigneusement de ne lui en pas donner ma parole. Mais avais-je lieu moi-même d'espérer qu'un peuple pût distinguer entre les paroles et les espérances? D'ailleurs, avais-je lieu de croire, après ce que j'avais connu du passé, après ce que je venais de voir du présent, que la cour fit seulement réflexion à ce qu'elle nous avait fait dire à M. de la Meilleraie et à moi? Ou plutôt, n'avais-je pas tout sujet d'être persuadé qu'elle ne manquerait pas cette occasion de me perdre absolument dans le public, en lui faisant croire que je m'étais entendu avec elle pour l'amuser et pour le jouer? Ces vues que j'eus dans toute leur étendue m'affligèrent, mais elles ne me tentèrent point. Je ne me repentis pas un moment de ce que j'avais fait, parce que j'étais persuadé que le devoir et la bonne conduite m'y avaient obligé. Je m'enveloppais, pour ainsi dire, dans mon devoir. J'eus honte d'avoir fait réflexion sur l'événement, et mon trésor étant entré là-dessus, et m'ayant dit que je me trompais si je croyais avoir beaucoup gagné à mon expédition, je lui répondis ses propres paroles. J'y ai beaucoup gagné, en ce qu'au moins je me suis épargné une apologie en explication de bienfaits, qui est toujours une chose insupportable à un homme de bien. Si je fusse demeuré chez moi dans une conjoncture comme celle-ci, la reine, dont enfin je tiens ma dignité, aura-t-elle sujet d'être contente de moi? Elle ne l'est nullement, reprit mon trésor. Madame de Noailles et madame de Motteville viennent de dire au prince de Guéméné que l'on était persuadé, au palais royal, qu'il n'avait pas tenu à vous d'émouvoir le peuple. J'avoue que je n'ajoutais aucune foi à ce discours de mon trésor, car quoique j'eusse vu dans le cabinet de la reine que l'on s'y moquait de moi, je m'étais imaginé que cette malignité n'allait pas à diminuer le mérite du service que j'avais rendu, et je ne pouvais me figurer que l'on fût capable de me le tourner à crime. Mon trésor persistant à me tourmenter, et me disant que mon ami Jean-Louis de Fiesque n'aurait pas été de mon avis, je lui répondis que j'avais toute ma vie estimé les hommes, plus par ce qu'ils ne faisaient pas en de certaines occasions, que par tout ce qu'ils eussent pu faire. J'étais sur le point de m'endormir sur ces pensées, lorsque l'aigle arriva, qui venait du souper de la reine, et qui me dit que l'on m'avait tourné publiquement en ridicule, que l'on m'y avait traité d'homme qui n'avait rien oublié pour soulever le peuple sous prétexte de l'apaiser, que l'on avait sifflé dans les rues, que j'avais fait semblant d'être blessé, quoique je ne le fusse point. Enfin, que j'avais été exposé 2 heures entières à la raillerie fine de Beautru, à la bouffonnerie de nos gens, à l'enjouement de la rivière, à la fausse compassion du cardinal et aux éclats de rire de la reine. Vous ne doutez pas que je ne fusse un peu ému, mais à la vérité, je ne le fus pas au point que vous devez croire. Je me sentis plutôt de la tentation légère que de l'emportement. Tout me vint dans l'esprit, mais rien n'y demeura, et je sacrifiai à mon devoir, presque sans balancer, les idées les plus douces et les plus brillantes que les conjurations passées présentèrent à mon esprit en foule, aussitôt que le mauvais traitement que je voyais public et connu me donna lieu de croire que je pourrais entrer avec honneur dans les nouvelles.